Qui sert? Qui sert? Ok, un, mais fait divers. Ok, MDB, G, Sergio Mike. 80 en CRTR, j'ai pas la mentalité peace and love. J'pisse sur les keufs, mon meilleur pote s'appelle Smirnoff. Ici c'est au Skype et donc on se froisse l'amour. MC, tu me fais trop rire comme une pétasse qui veut que je fasse l'amour. Rose, j'ai tes patrons, j't'embaucherai. Pour l'instant, j'suis au micro, laisse-moi faire de la boucherie. Ambiance bizarre, Roya, j'veux pas finir livreur pizza. Ou Big Raver, tu sais, à Ibiza. J'esquive l'air, j'ai les mauvais yeux. Ici j'suis baisé, rien n'est vierge comme les meufs ou mon casier. J'suis H24, 7 sur 7, alcoolisé, j'suis venu au monde pour foutre la merde par écolisée. Ici c'est casse-tête, hey yo, j'casse-tête. Les frères, tu au lieu de faire des thunes, pense casse-tête. Au mic, j'lâche pas le steak, qui sert, j'te mets la pastèque. Si t'es une âme sensible, n'écoute pas steak. Mais, P-I-V-R-Q-N-C-B-R, qui sert au mic? Pour vous mes frères, c'est toujours bien viscère. Mais, P-I-V-R-Q-S-B-L-R, qui sert au mic? Pour vous mes frères, j'lâcherai pas la paix. Comme face à un flashball, faut que tu cavales. MDB en fusil d'épaule, on fuck les tasses cavale. Dans ce monde, trop de baratins, rien de matin. J'pisse dans l'illégal, comme un baratin. Oh my, j'fais pas de détails comme un grossiste. Le menton de baron à cause des milliardaires égoïstes. Triste constat, pour un bison, on se tape quand un frère sort de prison. J'ai la trique d'un bison. J'ai plus d'une flèche à mon arbalète. Ici ça bicrave la rapla, c'est mieux que passer le balai ou le tire-balette. 91 et sonne, tout ça mis des grosses sommes. J'ai le sourire, mais au fond de moi j'ai le seul. Trop de poisse, j'suis marié à la hesse, fonce dès à la race. Mais j'me sens bien dans mes Reebok bars. Chienne de vie, comment veux-tu que mon fric ait de l'hygiène? J'ai trop la poisse à croire j'suis né sous une échelle. M-P-I-V-R-Q-N-C-B-R, qui sert au mic? Pour vous mes frères, c'est toujours bien viscère. M-P-I-V-R-Q-S-B-L-R, qui sert au mic? Pour vous mes frères, j'lâcherai pas la paix. Au mic, c'est un choix. Quand j'suis sous Aya, mon Diecar, tu le verras pas dans Ushuaïa. J'suis illégal comme si j'étais tombé d'un camtar. J'vois qu'ici, tout le monde se baisse comme au Cap d'Ar. Y'a que là, tu n'es Clara Morgan d'excitant. J'comprends comment certains font un pacte avec Satan. J'viens de là où y'a pas de sujet tabou. De là où y'a pas besoin d'être 15 pour casser ta bouche. J'ai la haine, pas le temps pour les délires tuniques. J'baisse les gars. Sur le ring, faut pas être gentil comme Charline Gals. Ici, c'est la guerre et j'en finirai décoré. J'ai le flow et la méthode comme Scrollard de Goé. Au poste, ma tête j'ai coché. J'veux des gros chèques, j'suis pas un télo comme un gaucher. 91 terre-terre, soldat enfile la tunique. Tu sais que dans la vie, soit tu te fais niquer, soit tu niques. P-P-I-V-R-9-1-terre-terre, qui sert au mic? 91, on est venu baiser le score. P-P-I-V-R-M-D-B, pop, qui sert au mic? Rap hardcore, toujours sous bon escort. Effet divers, mon frère. Qui sert? 91 et seul, amigo. Place les pères. Qui sert au micro? L-A-M-S, S-P-Y-K, c'est ça, non? MD.